L'oiseau me laisse un peu tout frisson de l'argent. J'allais quand je levais les yeux dans l'horizon. Couchant n'était plus qu'une lame sanglante. Oh, hey, oh, oh, hey, oh.